Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. World par T-Bone Walker, enregistré en 1942. C'est considéré comme l'un ou même peut-être le premier blues électrique ayant eu du succès. Cette chanson, Minol World, quand on fouille du côté de la SACEM, des droits d'auteur, on s'aperçoit que Big Bill Bronzy l'a signé aussi, et puis Little Walter. C'est bien compliqué tout ça. Bon, je n'ai pas la version de Big Bill Bronzy, mais voici donc en deuxième écoute de ce Blues Covers la version de Little Walter en 1952. This is a mean old world. wonder why can your love be so cold. Sometimes I wonder why can your love be so cold. Seems like to me you don't want me. I'm just an unlucky so and so. Little Walter en 1952. Personnellement, j'ai découvert cette chanson, Mean Old World, à la fin des années 60 avec le groupe anglais Chicken Shack, que l'on écoutera en fin d'émission. Mais pour l'instant, on reste aux États-Unis avec la version live de Otis Rush. Bye. and walk the streets late at night. I'm a crowd about you, baby, and walk the streets late at night. If you'd love me just a little bit, darling, why in the world did you treat me right? Dans le triple album Blue Horizon Story, il y a une version magique de Minnow World par le docteur Isaiah Ross. This is the Minnow World, cause you're living all by yourself. This is the Minnow World, try to live it all by yourself. Can't get the one that you love and have to use somebody else. I've got the blues, gonna pack my little things and go. Yeah, I've got the blues, gonna pack my little things and go. Well, I guess you don't want me, I guess I'm just an unlucky so-and-so. Well, I guess you soul. J'ai eu du mal à trouver un groupe français qui aurait gravé dans la cire Mean Old World. Ma version n'étant pas encore enregistrée, j'ai quand même trouvé Frank Blackfield. Eh oui, on l'avait découvert à Blues sur scène lors du tremplin en novembre 2006. Frank Blackfield. Mean Old World. World, try and live it by yourself. This is a mean old world, try and live it by yourself. You can't get the one you love, have to use somebody else. Wanna pack my things and go. I got the blues. Wanna pack my things and go. Guess you don't love me, babe. You love me still so and so. Évidemment, pour moi, la grande, la magnifique, la sublime Christine Perfect, le groupe Chicken Shack avec le guitariste Stan Webb, l'un de mes albums préférés, OK Ken, où entre quelques chansons, il déblatère et s'amuse à rigoler de tout et de rien. Écoutez-les, ce sont les Anglais de Chicken Shack, Mean Old World. Well, do you think stardom's affected you at all, Mr. Webb? Well, no, dear. I really don't think it has, because, you know, I mean, I've ever since, you know, I've, you know, had my operation, I've really been much different. Yes, I can see that, Mr. Webb. And what are you going to do for us? Well, I like to do a number which is very Buffles indeed, and it's a little number called Mean Old World. Can't get the one you're loving. just an unlucky so-and-so. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.